fois qu'on peut parler de Silent Hill, plus ou moins s'attarder dessus, peut-être. Ils vont nous casser les couilles. Non, non, non. Leur vieux jeu à la con. Parce que t'as dit c'était vraiment une présentation générale là normalement. Oui. Donc. Mais on parlera de ça un petit. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, une émission qui vous est présentée par Causons Pixel, le blog qui a pour but de réfléchir sur l'industrie vidéoludique, le jeu vidéo en tant qu'œuvre et le jeu vidéo en général. Vite fait, qu'est-ce qui est sorti sur Causons Pixel ce mois-ci? Bien pour l'instant, ce n'est que la série de vidéos, le jeu vidéo expliqué aux parents. On reprend les bases du jeu vidéo, vraiment les bases des bases, et on vulgarise au maximum. Alors si pour certains ça paraît un peu beaucoup trop vulgarisé, eh bien faut savoir vraiment que beaucoup du langage vidéoludique et de ce qu'est le jeu vidéo est inconnu d'une sphère assez grande quand même dans le jeu vidéo. Donc voilà, et le dernier épisode était justement sur l'addiction au jeu vidéo, où j'en parle très très très rapidement, mais si vous voulez plus de... Et en fait il y a Victor qui fait une tête bizarre, donc c'est pour ça que... Si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet, vous avez beaucoup de ressources dans la vidéo sur ce sujet. Vous avez aussi un De la manette au débat où justement on en parle avec V has come to. avec Flo, Damien et Victor, justement sur ce sujet là on en parle pendant une heure. Et il y a aussi un article de blog et évidemment vous avez les blogs de Yann Leroux, Vanessa Lalo et Serge Tisseron. Voilà, j'ai fait le tour, mais on va faire un nouveau tour de table parce que... Alors, on a perdu un chroniqueur, mais... V has come to. Mm. Il est de nouveau là. On les a jamais eus en même temps. Si, pendant un moment, sur la fin de la première saison, on les avait en même temps. Hein. Ah. Et donc, Magie Victor, noire. Présente-toi. Bonsoir à tous. Alors, c'est Victor, Ancien sociologue de formation qui a décidé de vendre son âme au capitalisme et au jeu du marketing. Donc je me ferai une joie comme d'habitude d'être l'avocat du diable. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Que dire d'autre? C'est bon. Tu es un communiste capitaliste. Sinon, bon, pour résumer on vite fait. On appelle ça la Chine. Mmh. Pour résumer vite fait, parce qu'on pose souvent la question à chaque fois. En ce moment, niveau jeux vidéo, je joue à Albion Online. Donc un jeu accès multijoueur PVP et PVE et enfin ah oui c'est vrai qu'il faut avoir un langage PVP, un peu plus adapté. Player versus player, joueur contre joueur, yes. Ou joueur contre environnement pour PVE, player versus environment. C'est ça, des joueurs, des monstres, tout le monde qui se tape, c'est fun, c'est drôle, il y a plein de gens, c'est cool, voilà. Et ensuite nous avons comment résumer le jeu vidéo. Ouais, le mec il est saoulé, tu sais. Ça a à peine commencé la Namar. Bon, mais Victor, hein, prochaine. Hein. Et nous avons aussi Tiffen. Bonjour, bonjour. Alors, Tiffen, que fais-tu? Toujours agent d'artiste, de comédien, toujours pareil. Et nous avons Florian. Ouais. L'ancien. Ouais, ouais, membre. Il n'a jamais loupé une seule émission. C'est vrai. Hein? Le doyen, voilà, comme a dit Victor, je ne sais pas si vous l'avez entendu au micro. Que fais-tu, Florian? Ben, je suis psychologue, tout simplement. Et spécialisé dans les soins palliatifs. Palliatifs, voilà. Effectivement. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. On se fait une petite introduction comme d'hab et ensuite on lance le débat. L'horreur en jeu vidéo. Les survival horrors sont des jeux d'horreur, à l'instar des films ou des livres se voulant de la sorte. Déconseillés aux plus jeunes, ces jeux sont là depuis longtemps avec Haunted House sur Atari en 1982 ou encore Sweet Home en 1989 sur NES. Mais c'est un Français, Frédéric Raynal, qui va faire entrer le survival horror dans la modernité en créant Alone in the Dark. Puis ensuite, les Resident Evil et autres Silent Hill suivront, marquant à leur tour l'histoire du jeu vidéo. Alors... On va peut-être s'arrêter rapidement sur ce qu'a apporté Alone in the Dark. On va dire, ça va être peut-être notre petit point d'origine, petit point d'accroche. C'est que quand Frédéric Raynal a créé son jeu, lui il a inséré des plans de caméra cinématographiques plongés, contre-plongés, etc. Et en fait on se déplaçait par rapport à ces cadres-là. Donc comme ça le joueur en fait perdait tous ses repères dans la maison. Quand un couloir est filmé sur trois angles différents, on sait plus trop où on en est. Et en plus de ça, ça permettait bien de jouer sur le suggéré dans l'horreur, parce que la plupart des films d'horreur, enfin du moins les bons films d'horreur, jouent sur pas mal de hors-champ, c'est-à-dire l'horreur est hors du cadre, on ne la voit pas, et on s'imagine énormément de choses. Rénal y jouera, bon, il rajoutera des zombies, etc. Et c'est ça qui fera en rentrer le survival horror dans le domaine du grand public, puisque quelques années plus tard, un certain Shinji Mikami le reprendra pour Resident Evil, où il reprendra l'exacte même formule. Resident Evil qui se voulait être un remake en 3D de Sweet Home, que tu as cité au tout début. Ah ouais, je savais pas ça. Et notamment, quand tu rentres dans une pièce, c'est la fameuse séquence qui est très culte de Resident Evil avec la porte qui s'ouvre doucement. Oui, je l'ai. Ouais, pour okay, ce que tu veux dire. Pour masquer les temps de chargement, ces plans-là étaient déjà présents dans Sweet Home. Et ça se passait aussi dans une maison. Ouais, c'est un manoir. On devait photographier des fresques dans ce manoir-là. Mm. Et bon, c'était le scénario bateau, jeu vidéo slash film d'horreur. On entrait dans un manoir, on voulait faire un truc et oh mon dieu, on est enfermé. De là, il fallait s'en sortir. Et voilà. Après, le projet, ben, un peu comme Sekiro, hein, qui devait être un nouveau Tenchu, a pris son indépendance et est devenu Resident Evil. Mais là-bas, c'est Sweet Home. Plus que Shinji Mikami a rajouté tout le côté nanar. Nanar involontaire, par contre, au niveau des personnages. Et donc, avec ça, Rénal... Alors, je sais pas si à l'époque, ça faisait réellement peur, Alone in the Dark. Je sais pas, j'ai pas trouvé de truc comme quoi, enfin, de la première sorte, ça faisait peur. Parce que quand on le regarde actuellement, on n'a pas trop peur, tant peur que ça. Même si c'est inspiré de Lovecraft et qu'on voit les inspirations de monstres, etc. On a des zombies, je sais pas si... Après, le jeu a pas mal vieilli, hein, faut dire. Oui, c'est pour ça justement que je pose la question, parce que le... Mince, j'ai pas noté la date Alone in the Dark. Je pense qu'à l'époque, oui, parce que ce jeu en 3D, c'était assez... Techniquement, c'était balèze, hein, pour l'époque. Ouais. Bon, en plus, Rénal a créé son outil, lui, de modélisation, là, en 3D. Enfin, donc, je pense qu'à l'époque, ça pouvait subjuguer. Maintenant, je pense que c'est compliqué, mais... C'est jeuxvideo.com, je crois, qui avait fait un let's play de Alone in the Dark, et je crois qu'il galérait pour jouer à l'époque, parce que, on va y venir tout à l'heure, mais la plupart des survival horror, notamment ceux qu'on apprécie particulièrement, ah oui, on les appelle la colline silencieuse, on va s'arrêter là, et on va vite fait parler des caractéristiques esthétiques du survival horror, parce qu'on en parle grosso modo, et on va peut-être déjà définir les caractéristiques esthétiques, artistiques, de ce genre, avant peut-être d'aller plus loin. Juste un truc pour Alone in the Dark, comment on peut clôturer le chapitre. Là où il faisait peur, et quand on interview Rénal sur ça, il expliquait que pour lui, ce qu'il a fait pour faire peur aux joueurs, c'est qu'il va le faire avancer dans un couloir, et à un moment donné, le plancher va s'effondrer, tu vas tomber dans un trou, tu vas mourir. Et du coup, lui, son intention, c'était qu'ensuite, dans chaque couloir que tu as traversé, que tu aies la peur à nouveau que ça s'effondre. Et dans le jeu, t'as plein de dangers qui sont là que une ou deux fois. Et ça suffit pour t'imprimer cette expérience qui est vraiment mauvaise, en plus qui est frustrante puisqu'on te tue, pour que tu en aies peur. Et ce qu'a essayé de faire Rénal, c'est quelque chose qui est reproduite maintenant expérimentalement, c'est qu'en fait, on peut conditionner la peur. T'as une très bonne vidéo de Vsauce qui parle de la peur en général. Et je te filerai le lien pour que tu la mettes en description. Et en gros, on le conditionne pour avoir peur à la vue de carrés violets. Il est assis sur une chaise. On lui met un dispositif pour qu'il reçoive des décharges électriques qui sont assez faibles et des cris humains. Et on lui montre un cercle, un carré. Et à chaque fois qu'il y a le carré, il reçoit une décharge, il entend le cri. Et en plus, il a plein d'appareils qui mesure son rythme cardiaque, sa sudation, tout ça. Et il a pu avoir peur des carrés, par conditionnement. Donc Rénal a essayé de faire ça, et je pense que les joueurs qui ont eu peur, ils ont eu peur comme ça. Ce qui était assez brillant de la part de Rénal de tenter ça à l'époque, quoi. Donc on va essayer de venir sur les caractéristiques esthétiques ou artistiques, parce que comme dit dans l'introduction, le survival horror, le jeu d'horreur... Ça vient énormément des films et des livres d'horreur, que ce soit du Stephen King pour les plus connus, ou des films d'horreur lambda, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, il y a eu un jeu vidéo qui était adapté de Vendredi 13, alors bon, certes récemment, Mais il y en a eu aussi un plus ancien, mais qui au final n'a jamais eu les droits, qui était assez gore à l'époque, c'était en deux dimensions. Et on reprend les mêmes codes, voire parfois les mêmes enjeux, sauf qu'on rajoute le fait que des fois on joue le méchant, il doit flinguer les gens. Ouais, et d'ailleurs les livres et les films viennent aussi de légendes urbaines en fait, japonaises oui, souvent, et c'est de là que ça vient la plupart du temps. C'est juste la reprise de certains codes. C'est ça, et on essaye de mettre un visuel sur ces textes oraux, etc. C'est simplement ça, c'est un fruit culturel, encore une fois. C'est juste le fruit d'un mélange culturel pour certains. Les Japonais qui reprennent, par exemple, pour les Silent Hill, les codes, enfin les villes américaines pour transposer leur horreur, alors que le jeu est japonais. Donc toute l'ambiance est japonaise, mais le décor ne l'est pas. Bah, Resident Evil, c'est le cinéma de Romero. Hein. D'ailleurs, il avait réalisé, ou il devait réaliser, le trailer de la première version de Resident Evil 2. Et il l'a réalisé, c'était une publicité, et... Oui, mais bon, la parenté est explicite, tu vois, avec ce genre de partenariat. Mais moi, tu vois, moi, je ferais la distinction entre survival horror et jeu d'horreur. Mmh. Et je trouve que le survival horror, ça correspond très bien à Resident Evil, qui est d'ailleurs un peu lui qui l'a démocratisé, ce terme-là. Je crois que c'est Capcom qui s'en est servi comme slogan un peu marketing. Mais dans Resident Evil, tu as une vraie logique de survie. Parce que ton inventaire est limité. Tu ne peux pas apporter autant de munitions et d'objets que tu le souhaites. On est assez faible face à l'ennemi, on se défend moins, on peut beaucoup moins se défendre. T'as pas vraiment d'armes ni de munitions, enfin c'est vraiment... Bah, t'as les armes à feu, mais tes munitions sont limitées, et surtout, très vite, tu apprends que les armes ont des puissances différentes. T'apprends que le fusil à pompe, au corps à corps, si jamais t'arrives à viser la tête, tu peux éclater la tête en un seul tir, et ça te fait économiser beaucoup de temps et beaucoup de munitions. Donc tu commences à avoir une logique comme ça, de bon allez je prends le fusil à pompe mais je prends que 10 balles, je prends le gun je prends 25 balles, au moins je suis tranquille pour les petits ennemis, tu gères ton inventaire, t'as toujours besoin d'objets pour résoudre des énigmes, alors est-ce que je prends tous les objets, est-ce que je les laisse à ma malle, enfin et tu te sens vraiment pris au piège. Parce que tu comprends que le combat en fait c'est pas toujours la solution, que parfois aussi, ça va être la fuite surtout. Aussi, et quand tu te retrouves à court de munitions avec ton couteau et que t'as un zombie au fond du couloir, tu te sens coincé là. Alors que Silent Hill, je me sens pas en état de survie. Silent Hill, tu as ton tuyau de plomb, tu dérouilles tous les ennemis avec le tuyau de plomb, et tu gardes les munitions pour les boss. Et, enfin, tu vois, c'est une autre horreur, je trouve, l'école de Silent Hill. C'est plus de l'ambiance, pardon, alors que Resident Evil joue plus sur les jumpscares, sur vraiment cette... Et finalement, à part Resident Evil... je connais peu de survival horror, tu vois, qui sont dans cette logique-là de survie. Peut-être Dying Light, non ? Je sais pas, je l'ai pas fait. Bah moi qui joue à Dying Light, c'est plus un mélange entre un jeu de rôle, un jeu de rôle avec des compétences, des niveaux, etc., avec du parcours. Et une histoire très mauvaise, ça c'est autre chose, ça. Et je ne sais plus quel journaliste, je crois, qui disait que la plupart du temps, les histoires dans les jeux vidéo étaient super mal écrites. C'est Exer qui le disait souvent sur Gamekult. Enfin, il disait, à partir du moment où vous lisez un petit peu de romans, ça ne tient pas la route. C'est un des pires scénarios que j'ai jamais vu dans le jeu vidéo. Il y a The Crew aussi. Le scénario de The Crew, il y a... à peu près du même niveau. Et Victor, Death Stranding est là pour nous sauver. Ouais, on va pas avoir le même rapport à ce dieu-là, mais bon, pour moi, ça relève du soin palliatif. Mais du coup, ça correspond. Voilà. Oui. Bon. Enfin, pour parler un peu plus de Dying Light, ben ouais, d'un côté, c'est vrai que ça a un côté survie. Alors, peut-être que moi, je définirais pas le survival horror comme étant vraiment un jeu de gestion de ressources, avec de ressources limitées tout et tout, mais peut-être plus, de manière générale, un jeu où t'as une figure monstrueuse, en tout cas, ça c'est forcément, une figure monstrueuse, et en même temps, des ressources qui sont soit limitées, soit plutôt illimitées, et une gestion dans tout ça. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire tu es dans une logique de survie. C'est-à-dire que tu es limité dans tes possibilités, en termes de ressources et de puissance offensive et tout ce que t'as, et t'es obligé de mettre en place des stratégies pour t'en sortir. Tu vois, le jeu d'action, même si t'as des munitions limitées, tu t'en soucies pas. Enfin, tu avances tout droit, tu désingues tout. Et alors que là, Resident Evil, t'es obligé de peser tes actes. Comme tu disais, Tiffen, tu n'es pas obligé d'affronter tous les zombies. Donc, à un moment, tu dis bon, ben ça, je l'esquive, je passe à côté, au lieu de prendre le raccourci, je vais faire le tour, mais au moins ça m'évite d'affronter des ennemis qui peuvent être embêtants. Enfin voilà, pour moi ça c'est la logique de survie. Et je trouve que Resident Evil réussit à merveille ça. Et c'est, je pense, plutôt que le survival horror, ça peut-être on le verra plus dans la deuxième partie, ou peut-être qu'on s'attardera vraiment plus sur des sagas phares du jeu vidéo pour vraiment en prendre en exemple. Mais c'est plutôt l'aspect visuel qui définit d'abord ce genre, comme pour le film d'horreur, c'est souvent un film d'action, suspense, etc. Mais avec un contexte qui est censé rappeler, enfin rebuter le spectateur. Conjuring, en appelant les peurs religieuses des fantômes, des démons, etc. C'est un film d'horreur, en plus il y a 2-3 images dégueulasses dedans. Donc c'est un film d'horreur. Les films de zombies de Romero, ce sont des morts qui reviennent à la vie, sont à moitié décomposés, c'est un film d'horreur. Et donc le survival horror se définit aussi là-dedans. Après, ça c'est peut-être une autre discussion, est-ce que c'est fin ou pas, bon, ça dépend les jeux, mais le survival horror, enfin, c'est avant tout cette représentation-là, après on met tout ce qu'on veut dedans. Oui. Mais ça doit rebuter le spectateur, que ce soit avec des Silent Hill, Resident Evil, si on reste celui-là pour pas trop en citer 15 000 non plus, ça doit faire peur à la personne qui joue, et justement c'est ce qui amène souvent à des polémiques. Sur le survival horror. Oui, au niveau de l'esthétique, c'est aussi on reconnaît tout de suite un survival horror avec le travail de son. Dès que vous mettez votre jeu, vous savez que vous êtes dans un jeu d'horreur, comme vous savez que vous allez voir un film d'horreur au cinéma. Il y a le travail du son, de la musique qui est super important. Et du coup, on peut faut détailler ce que c'est que cette esthétique qui est dite horrifique par rapport à une autre. Notamment, on a des figures monstrueuses, alors c'est très présent dans Silent Hill, où on a des silhouettes humaines et on n'a pas de visage. Souvent. L'ennemi, un des ennemis emblématiques du 2, c'est le monstre, on a l'impression qu'il est dans une camisole, enfin il marche un peu bizarrement et on ne voit pas son visage. Ou les infirmières de Silent Hill, on ne voit pas leur visage. Pourquoi cette représentation est horrifique? Parce qu'on ne peut pas lire l'émotion sur le visage de la créature. Et ça rappelle aussi le côté glauque que peut avoir dans l'imaginaire collectif l'hôpital, rappelé par aussi. Une figure sur laquelle on ne peut pas voir son visage, qui marche de manière désarticulée aussi. Par des mouvements très saccadés, donc qui rappelle aussi la rigidité cadavérique. Tout à fait. Comment pourrait se déplacer réellement un cadavre, entre guillemets? Le tout, en plus, on nous rappelle le côté glauque de l'hôpital dans un endroit qui est tout aussi glauque, donc ce qui amplifie par accumulation. Glauque et clos, pardon, excuse-moi. Et clos, oui. Dans la plupart des jeux, en fait, ça va être dans des endroits fermés où il n'y a pas de possibilité de s'échapper. Enfin, on l'imagine, en tout cas. Pas facilement. Voilà, c'est ça. C'est l'enjeu. Ça n'a jamais été aussi compliqué que d'ouvrir une porte. Putain de porte dans un survival, quand même. Faut s'en rendre compte. Enfin, là, on détaillera les séries, mais dans le survival traditionnel... Et parce qu'en fait, tu as une expérience en psychologie qu'avait voulu étudier la reconnaissance des émotions. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait une personne et on lui présentait des portraits d'une même personne, mais qui exprimait des émotions différentes. Et il y avait deux conditions. Une condition où la personne ne voyait que le regard de la personne, et l'autre condition où elle ne voyait que la bouche. Et elle devait identifier quelle était l'émotion. Et les gens avaient des réponses positives en plus grand nombre quand ils regardaient, quand ils avaient accès qu'au regard. La bouche donne peu d'informations, le regard donne tout. C'est pour ça qu'on reconnaît un très bon jeu d'acteur au jeu du regard, essentiellement. Donc ça montre qu'à partir du moment où t'as pas de visage et surtout si t'as pas de regard, tu as du mal à discerner l'émotion et donc tu sais pas si ce que t'as en face de toi représente un danger pour toi ou non. Parce qu'on n'a pas parlé de la peur, mais la peur, c'est lié au danger. Si tu n'es pas en danger, tu n'éprouves pas cette émotion de peur. Donc c'est important d'arriver à discerner ça. Et ce que tu disais, le côté désarticulé, des animations, tout ça, ça nous met dans une sorte d'ambiguïté où on ne sait pas trop si c'est humain, pas humain, si c'est dangereux, pas dangereux. Et on ne sait pas vers quoi on navigue et on n'arrive pas à déterminer si on est en danger de mort ou pas. Parce que la peur répond à ce besoin de survie-là, de faire le distinguo entre ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi, ce qui me tue, ce qui ne me tue pas. Ça nous permet de faire cette classification-là. Donc sans situation de danger, il n'y a pas de peur. Et donc ce truc, ça me fait penser à un concept en philosophie, je suis pas sûr du nom, peut-être je me trompe, mais le concept d'inquiétante étrangeté, il me semble, le fait que, qu'on se retrouve confronté à des choses qui nous paraissent un mélange entre de l'identifiable et quelque chose qui serait pas identifiable, donc quelque chose qui se rapproche. Ben, par exemple dans une figure humanoïde monstrueuse, quelque chose qui se rapproche vaguement de ce qu'on connaît, donc un être humain normal, mais justement, ben, comme tu as dit, avec des dissonances, des choses qui vont changer dans son apparence, qui vont faire qu'on reconnaît un peu, et en même temps, il y a quelque chose de bizarre qui perturbe notre expérience normale. Ouais, Freud en a parlé aussi. À partir d'une expérience qu'il avait, il était dans un train, il rentre dans sa chambre, et il y a un miroir en face de lui, et il ne s'est pas reconnu pendant quelques secondes. Et ça lui a été vraiment un sentiment d'étrange, un peu de malaise, jusqu'à temps qu'il se reconnaisse. Et il s'est posé la question et il commente beaucoup la nouvelle de Hoffman qui raconte une histoire avec une poupée. Et justement, il essaye de saisir cette frontière entre tu reconnais quelque chose, il y a la foi, tu n'arrives pas à le reconnaître. Et cette zone d'ambiguïté te dérange en tout cas. Parce que tu as besoin de mettre du sens sur les choses pour savoir quoi faire, quoi répondre face à cette situation-là. Ouais, c'est comme les chiens, par exemple, de Silent Hill. Tout de suite, tu rentres dans une pièce, tu identifies les chiens, tu sais que c'est des chiens, pourtant, il y a quelque chose qui dérange. Et c'est justement là que le son intervient et tu sais que ça ne va pas le faire, quoi. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, si on reste sur cette saga Silent Hill et dans les représentations de la peur, de la peur, c'est quand le jeu arrive à être assez malin pour non seulement te déranger visuellement, donc, si on prend les Silent Hill, mais aussi pour avec juste un élément du scénario, soudainement, un personnage qui te paraissait sympathique commence à avoir cette inquiétante étrangeté, mais parce que le contexte commence à changer. Et Silent Hill, ça arrive souvent à faire ce genre de choses. On voit un personnage et puis soudainement, en avançant dans le jeu, ou même son propre personnage, quand on est plongé dans l'histoire, et là, on se sent moins bien par rapport aux événements qui sont en train de se passer, par rapport à ce que l'histoire du jeu nous raconte. Bah, je pense notamment, au niveau de l'environnement encore plus étrange, la fameuse chaise roulante dans un couloir, je crois qu'elle vient de Silent Hill 3 ou 4, Moi, ça m'a terrifié ce moment-là. C'est terrible comme moment. Il y a un fauteuil roulant en plein milieu d'un couloir, et alors qu'on a l'habitude au bout d'un moment de traverser tout le temps des couloirs, et bien juste ce fauteuil roulant-là. Oui, ouais, non, ouais, alors, je sais pas si c'est dans le 3. Je crois que tu descends au niveau des sous-sols et tu débarques dans un couloir. Et là, à ce moment-là, la caméra, normalement, tu as la caméra plus ou moins, pas dans ton dos, mais plus ou moins dans au-dessus, ton dos. Un peu en plongée. Voilà. Et là, la caméra vient se mettre plus ou moins au milieu du couloir. Et elle se cale derrière un putain de fauteuil roulant qui est renversé sur le côté et tu as la roue qui tourne. Eh ben, je suis resté bloqué. Enfin, en fait, j'ai pas bougé. Et j'ai attendu que la roue arrête de tourner. Je me suis dit, si j'avance, je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et j'attends. Et la roue s'arrête, il se passe rien. Et voilà. Ça, c'est ça inutile. Tu te fais peur toi-même. C'est la plus terrible des peurs qui est celle-là, quoi. C'est un peu ce que je reproche, justement, aux jeux vidéo horrifiques survival, comme ça. C'est que, à partir du moment où t'as un peu l'habitude de ce genre de mécanisme, c'est un peu le cas dans Dying Light, où justement, des fois, t'entends des zombies qui tapent à la porte, tu vois, quand t'es dans un appartement, qui veulent vraiment ouvrir et tout et tout. Et en même temps, tu regardes ta minimap, ta carte, en haut, et tu vois que c'est pas une zone où tu peux aller, donc tu sais pertinemment que le zombie, il va pas venir t'attaquer. Et donc, tout de suite, ça casse un peu le truc, et je trouve qu'il y a beaucoup ce... moi dans mon expérience à la fin je finis toujours par être un peu déçu par ce genre de jeu parce que je sais que c'est que du bluff et souvent c'est comme au cinéma, c'est là où intervient tout le travail d'un réalisateur, c'est de te faire croire que ce qu'il y a derrière ce mur peut arriver à n'importe quel moment et que même l'action passée après tu te dises mince, il aurait vraiment pu arriver là, mais il est arrivé à un autre endroit, et que tu restes dans cette illusion. Et, Silent Hill, par exemple, quand je les ai faits, du moins, cette illusion fonctionnait. Parce que quand tu frappes à une porte des toilettes, toc toc toc toc, indéfiniment, et on te répond, il n'y a personne, tu recules, la porte s'ouvre, et il n'y a rien, tu fais... Enfin, on te garde dans cette illusion de peur, tu dis, il aurait pu, s'il y avait eu quelqu'un derrière, eh ben je serais mort. Heureusement, il n'y a eu personne, et c'est là que tu te soulages, tu fais, C'est ouais, tout un travail d'illusionniste, en fait, de garder cette illusion-là. Donc peut-être que Dying Light l'a moins réussi, je sais pas. Moi, j'ai ressenti ce que tu as ressenti avec le premier Dead Space. Parce qu'au bout d'un moment, tu commences à identifier d'où apparaissent les nécromorphes. Dès que tu vois un conduit d'aération, que ce soit en face de toi ou dessus, tu sais très bien que ça va te tomber sur la gueule. Tu entends que ça grouille et tu sais très bien que si c'est pas dans le couloir, c'est après le virage. Et dès que tu rentres dans une salle qui est grande, tu sais très bien que les lumières vont s'éteindre et ça va débarquer. Et au bout d'un moment, tu t'identifies un petit peu les lieux, les patterns. Et au bout d'un moment, je visais à l'endroit où les monstres allaient apparaître et ça casse un peu le truc. Quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que du coup, le game design conditionne quand même un peu l'expérience de jeu et il y a quand même des limites. On est bloqué par des limites et du coup, ça bloque un peu l'imprévisibilité qui est peut-être plus présent dans les films d'horreur, je sais pas trop, qui est plus disponible, plus utilisable, et quand, à partir du moment où on commence à avoir une certaine expérience de jeu dans ce type de jeu, justement, on finit par comprendre un peu les mécanismes et comment on va finir, comment ça va se passer. Ouais, est-ce que c'est pas pour ça aussi que les jeux partent de plus en plus vers un côté action, justement pour casser cette routine que peuvent avoir certains joueurs qui ont beaucoup fait de survival horror, qui commencent à avoir l'habitude des codes, ils savent que si ils passent de ce côté-là, enfin voilà, il peut se passer ce genre de choses. Est-ce que justement c'est pas pour apporter quelque chose de nouveau ? Je sais pas ça. Moi, je pense plutôt que les survival finalement, à part Resident Evil, qui vend vraiment des millions, Silent Hill par exemple, c'est très modeste par rapport à... À Resident Evil, je crois. Silent Hill, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu un budget si conséquent que ça. Plus que le premier, on a refourgué au créateur qui est parti ensuite faire Gravity Rush dans les années 2010. Une petite équipe qui devait être virée. ça devait être leur dernier jeu et ensuite, ciao. Ensuite, il a fonctionné. Ils ont fait le 2 et le 3, mais ils n'ont pas eu un budget de ouf non plus. Ouais. D'ailleurs, en parlant de budget justement et limitations techniques, la cendre de Silent Hill, le fait qu'on ne voit pas à 2 mètres de soi, en fait, ça vient justement des possibilités techniques qui étaient réduites et du manque de budget. Bah, on va mettre de la cendre comme ça, on explique dans le jeu nos limitations techniques par quelque chose qui fonctionne. Encore une fois, méthode d'illusionniste. Tac, j'arrive à ou pas tromper le spectateur. D'ailleurs, tu mettras en description le très très beau reportage de la chaîne YouTube Archipel sur le créateur de Silent Hill, qui est super. Ouais, où le mec te dit au calme, j'ai créé Silent Hill comme s'il avait créé un jeu comme ça, lambda. On expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi Silent Hill en parle j'ai autant. J'ai créé Silent Hill, j'ai créé Forbidden Siren, voilà, c'est bon quoi. Foutez-moi la paix. Mais je pense plutôt que les survival horror, ça, c'est plus ou moins de niche. À part Resident Evil, qui est vraiment à part, qui est le gros succès, qui reste encore le gros succès. Et à mon avis, le virage action, c'est pour essayer de plaire à un nouveau public et au plus grand nombre. C'est pareil pour les jeux d'infiltration. Les jeux d'infiltration traditionnels à la Splinter Cell d'avant, t'en as quasiment plus. Et maintenant, soit... c'est un jeu d'infiltration, mais il t'autorise à jouer de manière action. Enfin, c'est plus punitif, parce qu'avant, les jeux d'infiltration, quand tu te faisais repérer, soit ça échouait la mission, soit tu étais tellement faible que tu te faisais tuer, donc tu étais vraiment incité à t'infiltrer. Là, maintenant, tu peux te faire repérer et t'en sortir, et ça permet de plaire au plus grand nombre, ou sinon, ça se dilue dans d'autres genres de jeux. Tu vois, maintenant, n'importe quel monde ouvert a des mécaniques d'infiltration. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a une certaine fusion, du coup, entre l'infiltration... Ouais, Dying Light, par exemple, est un FPS, un jeu d'action, avec tout un contexte d'horreur. Après, Dying Light, pour le coup, c'est assez... l'expérience de jeu est assez marrante, parce qu'au début, on est justement bien... conditionné par cette mécanique d'infiltration où, par exemple, on va se retrouver confronté à 10 zombies et avec le petit tuyau en bois, enfin pas en bois, en métal ou des planches de bois, un ou deux zombies, ça va vraiment être le maximum. Et puis à la fin de l'expérience de jeu, quand t'as débloqué toutes les armes avec un pote, c'était Rambo face à 10 000 zombies, tu mitrailles tout, tu vois. Ah, d'ailleurs, le 2, qui va pas tarder à sortir, je crois, cette année ou l'an prochain, c'est Chris Avellon qui est au scénario. Donc c'est un monsieur qui est connu dans le monde du jeu de rôle sur PC. Il a scénarisé KOTOR 1 ou 2, je crois. Planetscape Torment. Ouais, et il bosse avec Obsidian, donc il a bossé sur Fallout New Vegas, notamment. C'est ça. Sur donc, pas mal de RPG qu'on... Il y a de fortes chances que le scénario soit intéressant pour le 2. Ben, si ça reprend les bases du 1, il va avoir du travail. Hein. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il faudra voir l'implication, mais il veut donner des choix à faire. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être un ourageux, hein, parce que les choix dans les jeux vidéo... Il me semble qu'on a déjà parlé. Bon, ouais. Je suis pas vraiment. Bon, et... Après, t'aimes pas Death Stranding. Es-tu un être humain ? Voilà. Ah, comme le dit le vieux monsieur, t'es un peu une sourasse. Hein, si t'as pas pleuré sur Death Stranding. Non, mais bon, autant être un chauffeur Uber dans la vraie vie, au moins ça rapporte. Quoi. Dans Death Stranding, tu gagnes pas d'argent. Ça va être la suite. Et oui, pour revenir, je pensais à la mécanique que tu disais tout à l'heure. Encore une fois, je suis un rageux, sur le fait de servir des limitations techniques pour habiller un peu, pour le côté illusionniste de ce qu'on appelle le fog, je crois, enfin le brouillard. Mm. Le brouillard pour essayer de cacher les imperfections, les limitations techniques, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez connues des joueurs, de manière générale, et ça commence à être assez critiqué, justement, cet usage-là, cette technique. Avec quelques potes, on était d'accord sur, c'est pas vraiment, pas du tout même un survival horror, mais un des trailers de Diablo 4 qui montrait des images très très très sombres et qui était, les joueurs avaient l'air assez sceptiques du coup sur les performances graphiques et la qualité graphique parce que, ben, sous excuse que ce soit un jeu super dark, super sombre et tout, ils avaient mis zéro couleur. Et ça faisait un peu, je sais pas comment dire, ça faisait un peu carton-pâte pour le coup. Et donc je pense qu'il peut y avoir aussi un peu ça dans les survival horror, le fait que ben c'est bien marrant, que tu fasses genre « Oh là là, ton truc il fait peur là, mais c'est juste un cache-misère et on est tous au courant. » Ouais, mais en même temps, regarde le phénomène qu'a été les jeux SCP ou Slenderman, qui ont toujours été très très très très, très modestes techniquement. Et pourtant, les mecs ont flippé. C'est quoi SCP ? Tu connais pas ? Alors, est-ce que c'est parti d'une creepypasta ou c'est non, devenu je après crois une... que oui, c'est parti de petite creepypasta sur un institut, le SCP protège le monde de créatures venant d'autres dimensions. Et en fait, il y a eu quelques mini-jeux qui sont sortis, vraiment faits sans aucun budget. L'un des plus connus, c'est SCP Containment Breach. C'est des jeux gratuits. Mm. C'est un monde ouvert, tout est généré aléatoirement, dans un labo. Du coup, ils jouent beaucoup sur l'obscurité, des couloirs sombres, etc. Des trucs qui se répètent. T'en as un où tu descends d'un escalier à l'infini de manière aléatoire pour te surprendre. Le SCP, qui sont des sortes de créatures, là, c'était l'escalier. Ouais, voilà. Après, t'as celui qui est connu. Don't Look At Me. Ouais, voilà. Quand il apparaît, il faut que tu le regardes. Et si tu détournes... Ça, c'est dans le Containment Breach. C'est l'ennemi principal, c'est une statue. Ouais. Tu dois pas briser le contact visuel et si tu fermes les yeux, eh bien, il se rapproche de toi, qui est vraiment ridicule techniquement. Enfin, c'est une sorte de silhouette très grossière, toute rigide. Enfin, ça a même pas des animations, ça se TP. Ouais. Mais ça fonctionne et encore une fois, c'est un travail d'illusionniste où quand même, tu dois un minimum accepter le jeu. C'est-à-dire, je vois que c'est un cache-misère, mais je vais essayer de fermer les yeux dessus pour rentrer dans ce que tu essayes de me dire. Mm. L'un des jeux qui réussissait bien ça, non, je peux en parler maintenant. Juste 30 secondes, tard, mais... préciser un peu ce que c'est une creepypasta. Ah oui, pas faux. C'est une. Alors, je crois que ça existe principalement que sur Internet. C'est un dérivé des légendes urbaines, on peut dire. C'est... Ouais. Sur Internet, les gens se créent des petites histoires qui font peur. Ou les histoires, les fameuses histoires qu'on rencontre, qu'on se raconte au coin d'un feu. Des gens sur des forums vont écrire une histoire d'horreur et ils vont se faire plaisir aussi à faire des photomontages, par exemple. à créer des vidéos pour vraiment appuyer et le but c'est que ce soit vraisemblable et à tel point que les meilleurs creepypasta, les gens se demandent c'est vrai ou c'est pas vrai. Comme le Slenderman qui est devenu ultra connu, on en a même fait un film récemment je crois. Il y a eu plusieurs jeux, The Slender The Eight Paper, que j'avais proposé d'ailleurs dans une vidéo. C'était, voilà, enfin il y en a qui deviennent des véritables jeux, etc. Et il y en a, on se demande, tiens, c'est pas une véritable légende urbaine dans tel pays. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir des rumeurs. T'en as une qui touche à une fameuse cartouche de Zelda Majora's Mask, qui aurait un... Alors, je me rappelle plus tous les détails, mais dans cette cartouche-là, il y aurait un Link un peu bizarre qui serait... qui aurait un lien avec un enfant qui est mort dans la vie réelle, ou je sais pas, et... les gens se posent la question, mais est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? Enfin, ça peut être intéressant, les creepypastas. Ah, ça me fait penser à deux autres creepypastas qui sont assez célèbres. La première sur Minecraft avec le fameux Herobrine, je crois. Donc, un espèce d'alter ego du personnage que l'on joue et qui serait là dans le jeu, qui aurait des yeux rouges, je crois, et qui nous espionnerait ou quelque chose du genre. Je me rappelle quand j'étais au lycée, on cherchait Herobrine dans le truc, et même les développeurs en jouaient plus que dans les truc des mises à jour, il listait, il disait Herobrine, oui, a été enlevé ou pas, et machin. Mais par contre, ce que tu pointes est très important, c'est que le survival, c'est une illusion, et si elle marche pas, mais rien ne marche dans le jeu. Et tu t'emmerdes, en fait, en jouant. C'est vrai que du coup, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, j'oublie là, mais c'est un nom spécifique, le fait qu'on on doit accepter l'histoire, on doit être un peu naïf, le... Oui, que vous en souvenez le machin, le... L'horizon d'un... Non, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. Merci, voilà. C'est le fait de croire, enfin tu passes un contrat tacite avec l'auteur qui stipule « je crois à l'histoire que tu me racontes ». Donc Tolkien qui te dit que les elfes et les orques existent, quand tu es dans ce moment-là où tu lis le livre, tu y crois. Sinon, tu ne rentres pas dans l'œuvre et tu ne peux pas la vivre. Ouais. Bien sûr que c'est vachement important. Et d'ailleurs, en parlant d'illusion, ce qui fait penser, parce que tout à l'heure, Victor, toi aussi, Tiffen, je crois que c'est ce que tu pointais aussi du doigt, c'était que, en gros, la difficulté de tenir le joueur en haleine avec les mêmes artifices pour faire peur, c'est par exemple ce que rencontrent pas mal de survival horror qui se passent en monde ouvert, c'est-à-dire... qu'au lieu d'être dans des couloirs, on est dans des cartes beaucoup plus grandes, c'est, comment dire, un temps différent du cinéma. Par exemple, le cinéma, on a une heure de film, mais notre séquence devant faire peur au spectateur va durer 5 minutes. Mais c'est 5 minutes où on vole le regard du spectateur pour lui dire « Tiens, regarde ici, la peur va arriver alors qu'elle va arriver ailleurs. » Le jeu vidéo, c'est plus compliqué, le joueur est capricieux. Des fois, tu mets un indice pour qu'il regarde là, il va pas regarder là, ou il va aller ailleurs. En plus, il va peut-être passer 2 heures dans le même endroit, donc il va tout connaître du même endroit. Il ne va plus avoir peur parce qu'il va connaître toutes les mécaniques. Le cinéma, un réalisateur, on va en prendre un talentueux comme James Wan, qui a fait les Conjuring, par exemple. Non, d'accord, personne n'est d'accord avec moi. Ah si, c'est juste que je... Moi, j'ai jamais vu. C'est juste que j'attends que tu continues. Oui, voilà. James Wan, qui se renouvelle à chaque Conjuring. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, dans la mise en scène, il est exemplaire. Tout à coup, la caméra te filme un endroit, puis ensuite, elle va se retourner, tu vas être au plafond, et ensuite, elle va soudainement descendre et tu vas être au sol. On va te déboussoler comme ça. Puis ensuite, il a utilisé cet artifice-là, il va te faire « Ok, très bien ». Et tu vas t'attendre à ce que cette échelle de plan signifie une fois la nouvelle chose. Cette même chose, et puis James Wan va dire « Bah non, il se passe rien. » Et en fait, il va te perdre dedans, mais pourquoi? Parce que déjà, t'es assis à regarder un écran. Et oui, on est passif là, alors que dans un jeu, c'est autre chose. Alors que dans le jeu, c'est différent. Après, c'est différent. Il me semble que dans The Evil Within et peut-être même les Resident Evil, je suis pas sûr, mais des fois, on passe sur des cinématiques, et donc peut-être que... Les cinématiques, c'est différent. À mon sens, de toute façon, c'est les mêmes codes que le cinéma. On arrête le jeu pour montrer une vidéo, c'est les mêmes codes. Donc forcément, tu peux renouveler ta peur à ce niveau-là avec le cinéma. Mais en tant que média, j'ai envie de dire en eux-mêmes, mais voilà, c'est-à-dire jeux vidéo, jouer, se promener dans un univers, etc. Et cinéma, regarder juste le film, être passif dedans, ne pas décider de où on va regarder. C'est différent, le réalisateur... Un bon réalisateur va justement très bien gérer son temps en 1h30 de film ou 2 heures pour dire au spectateur dans 10 minutes tu vas avoir peur avec ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là. Le jeu vidéo, bah, y en a qui sont cassés les dents. The Evil Within 2, en monde ouvert, il fait pas si peur que ça. C'est quand il devient couloir que l'ambiance devient plus intéressante. Les Silent Hill et les Resident Evil, les premiers, faisaient peur parce que c'était des couloirs. T'étais dans un petit couloir et comme on a dit au début de l'émission, un zombie au fond, on commence à flipper. Mais après, on a tendance à s'habituer à l'horreur, ce que Silent Hill arrive à conjurer par un scénario intéressant. Ou encore, pour citer Silent Hill, Downpour, qui n'a été plus fait par les Japonais, mais par les Bulgares de Vatra Games, qui ne faisait plus peur en monde ouvert. Mais ouais, dans un jeu, c'est forcément le joueur en fait qui va décider de sa propre peur finalement, parce que c'est ses actions qui vont entraîner des choses. Alors que dans un film, t'es totalement passif et c'est au bon vouloir du réalisateur. Alors que là, dans un jeu, suivant ce que tu vas faire, suivant quelle porte tu vas ouvrir, ça va entraîner de nouvelles choses. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même traitement. Mais je vois un peu ce que tu dis. Victor, en fait, dans cette idée que finalement, les mécaniques de mise en scène et autres pour faire peur, très vite, elles peuvent s'essouffler. Et du coup, très vite, d'un jeu à un autre, si jamais elles sont répétées, ça ne marchera pas. Parce que ça répond à ce que j'avais développé un petit peu au début, c'est-à-dire que... Et en fait, ça pose une grande question qui est finalement, pourquoi on joue à des jeux d'horreur ? Pourquoi on s'inflige de vivre cette émotion qui est en soi une émotion négative, qui n'est pas agréable. D'ailleurs, à chaque fois qu'on joue à un jeu d'horreur et qu'on est pris dedans, on se dit « Mais pourquoi j'ai eu cette idée à la con de me mettre sciemment parce que personne ne m'a obligé à jouer à un jeu d'horreur ?» En fait, voilà, faut jamais perdre de vue que quand on regarde un film d'horreur, quand on joue à un jeu d'horreur, on se met dans une position dans laquelle on se fait vivre une situation de danger qui est complètement fictive, dans un environnement sécurisé, assis sur mon canapé. Mais il ne faut jamais oublier que la peur répond à des besoins de survie. Normalement, quand tu es à l'extérieur, tu as peur quand tu as peur pour ta vie. Et donc, avoir peur, c'est un apprentissage. Tu apprends ce qui est dangereux pour toi ou non. Donc du coup, ça te marque. Et forcément que si jamais ça se répète, tu l'identifies, tu dis « Ok, ça c'est un danger, j'y vais pas. » Donc l'illusion tombe très vite, tu vois. Sinon, le sentiment de peur répond parce que le joueur s'implique dans son histoire aussi. C'est Edgar Morin dans le cinéma « Un art de la complexité », son livre que je vous recommande d'ailleurs, qui parle d'un état, l'état esthético-ludique. J'en ai parlé dans deux, trois articles. C'est-à-dire, c'est un état où je me projette sentimentalement sur le personnage que je suis en train d'incarner ou que je vois au cinéma. Lui, c'était pour le cinéma. Au fond de moi-même, mon cerveau, il sait très bien que je regarde un film. Il n'y a qu'à voir les gens qui s'ennuient devant un film soudainement et qui passent les 10 minutes suivantes, etc. Il sait très bien, mais je décide quand même d'y croire à mon film et de me projeter dedans. C'est parce qu'il y a ce genre d'état de projection sur le film que ça fonctionne, sinon tout à fait. On ne rentre pas dans un jeu d'horreur, c'est tout foutu, à fait. C'est foutu. Mais là, la simulation du jeu d'horreur, c'est que tu te mets en état de survie, oui. De vie ou de mort, littéralement. Après, ouais, y a pas mal de trucs par rapport à ça. Le premier, c'est peut-être que la manière, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, j'ai l'impression, au niveau des gamers de manière générale, je pense que déjà notre manière de consommer le jeu vidéo a changé et on a maintenant tendance à faire une ultra-rationalisation, une ultra-optimisation, à beaucoup réfléchir sur comment optimiser, comment gérer les trucs, ouais. Et je pense que ça a un impact sur les jeux d'horreur, parce que du coup, toutes ces séquences d'apprentissage, d'optimiser, tout et tout, elles finissent par se répercuter sur le jeu d'horreur, et donc on finit justement par, en voulant optimiser notre jeu, en voulant faire le plus de scores possible, on va apprendre à gérer tous ces contextes que le jeu vidéo nous propose à chaque fois. Et c'est marrant parce que du coup, vous avez dit que la généalogie de Resident Evil se basait sur d'autres jeux vidéo. Et donc on voit qu'il y a cette mécanique de toujours... ces deux acteurs qu'ils ont confrontés, c'est... Je reviens au marketing, hein, c'est le marché. Le marché qui a vu que tel jeu vidéo... était rentable, était productif, il y avait une clientèle. Cette clientèle qui va vouloir revivre la première expérience qui les a fondamentalement marqués. Donc j'ai cru comprendre que pour vous deux, c'était Silent Hill. Hein. Oui, je pense un peu, beaucoup. Je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Et donc, je pense que justement, le marché du jeu vidéo, les méchants marketeux, se base justement sur cette première expérience, l'expérience, on va dire, originelle, traumatique qu'on a eu du premier jeu d'horreur qui a véritablement marché parce qu'il était tout nouveau pour nous, on connaissait pas les techniques, les mécaniques suscitant la peur, mais ensuite au fur et à mesure ce sentiment, en tout cas c'est mon interprétation, hein, c'est peut-être pas vrai, mais ce sentiment décroît et on finit par être habitué, on finit par rationaliser notre pratique et à optimiser. Ouais, je nuancerai parce que quand tu fais un survival, quand t'es en train de jouer, tu te maudis d'avoir pris cette décision-là. Tu vois, moi je me rappelle dans Silent Hill 3 où à un moment donné j'ai eu une attaque de panique carrément, tu vois, enfin, une crise de panique et je me suis maudit, tu vois, de jouer à Silent Hill 3. Eh ben, je te jure, le lendemain matin, je repense à ça et je me dis putain que c'était bon et j'ai envie de continuer et j'ai continué, tu vois, parce qu'en fait, à nouveau dans la question pourquoi on s'inflige ça, il y a deux choses. La première, on a une sorte de curiosité. Qui est très similaire quand on est sur la route et qu'on sait qu'il y a un accident et on peut pas s'empêcher quand on passe au niveau de l'accident de vouloir regarder, voir l'accidenté, voir le corps, voir les dommages. Enfin, c'est une curiosité qui est morbide, mais c'est parce que on est poussé à nouveau dans cette logique d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, et le cerveau sait très bien nous récompenser quand on apprend parce que c'est quelque chose qui nous est bénéfique, tu vois, et notamment quand, pour renforcer ce qu'on appelle un comportement positif, le cerveau, entre autres, libère de la dopamine qui donne la sensation de plaisir. Donc, tu vois, là, on va chercher à apprendre tout le côté morbide, tout le côté macabre de la vie, des choses qu'on n'a pas accès spontanément, sauf si tu travailles dans cet intermédiaire. Et aussi, la deuxième chose qui fait qu'on a envie d'y retourner dans le survival, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se met en situation de danger, mais dans un environnement qui est sécurisé. Et puis en plus, c'est fictionnel. C'est-à-dire que finalement, cette situation de danger, on la résout très facilement. Le jeu, t'avances. Le film, tu le regardes jusqu'à la fin. Tu en ressors avec un sentiment de satisfaction énorme en te disant « Putain, j'ai survécu à ça. » C'est prouvé en gros aussi. Oui, oui. J'ai survécu à ce sentiment de peur, de danger. Je suis récompensé avec de la dopamine, tout ça. Donc, tu cherches à revivre à nouveau cette situation-là. Ce qui se passe quand tu joues à des jeux d'horreur, c'est très similaire avec les sports extrêmes dans lesquels tu mets aussi ta vie en danger. Et il se passe la même chose. Et justement, du coup, en fait, ce dont tu parles là, en psychologie, c'est donc les pratiques ordaliques. Je sais pas si... Oui, on est à la frontière de... En fait, on est à la frontière des pratiques ordaliques et on est à la frontière aussi un petit peu de certains comportements addictogènes. On va définir rapidement ce que c'est ordalique. Oh, c'est assez simple. Enfin, je pense, au niveau de la définition, ce serait le fait de... d'adopter des comportements à risque pour, on va dire, essayer de donner un sens ou légitimer notre existence en se rassurant. En quête des limites. Ouais, voilà. On cherche les limites vraiment des pratiques à risque pour se dire, j'ai survécu à ça, et si j'ai survécu, ça veut dire que ma vie a un sens ou que je mérite de vivre, on va dire. Peut-être. Et du coup, il ne faut pas sous-estimer la satisfaction d'avoir survécu à ça. Et c'est ce qui pousse les gens qui pratiquent les sports extrêmes à toujours aller plus loin. Pour toujours ressentir ce sentiment-là qui est puissant, et c'est là où on est à la limite d'addiction comportementale, tu vois. Parce que tu peux avoir une logique comme ça, un besoin de toujours aller plus loin, de toujours répéter ce genre de pratique à la frontière de l'ordalique pour avoir ce sentiment-là, c'est-à-dire ce shoot de dopamine et tout ça, pour avoir ce sentiment de plaisir et etc. Et là, on pourrait détourner tes paroles en disant que le jeu vidéo serait donc une addiction. Non, c'est le comme j'ai dit, ça se passe exactement dans les sports extrêmes, c'est, je dis, à la frontière. Je dis pas que oui, c'est le truc. C'est toujours bien de répéter la nuance parce que, on tout le répète fait. Encore une fois, l'addiction aux jeux vidéo est une panique morale. Mais bon... Allez voir non, mais il faut le répéter. Non, mais parce que ça devient de pire en pire, en fait. Oui, c'est sûr. Allez voir les différentes sources dans la vidéo, jeux vidéo expliqué aux parents, l'addiction. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que se mettre dans cette position de regarder un film d'horreur ou de jouer à un film d'horreur, c'est-à-dire de ressentir la peur, c'est pas anodin. A priori, spontanément, on devrait l'éviter. Et pourtant, on y revient, et quand on rentre dans le truc, on a envie d'y rejouer, d'explorer. Ouais, en fait, il y a un besoin chez l'humain quasi naturel de repousser les limites. En fait, on voit, suivant les périodes de la vie, il y a des besoins comme ça de tenter. Bah, ça vient aussi de la curiosité, peut-être. Ouais. Sauf que ce qui est dangereux, c'est quand ça devient récurrent, certainement, quand les limites vont de plus en plus loin et qu'on se met en danger. Mmh. Bon, là, après, on reste dans du jeu vidéo. Et là, oui, c'est sûr que du coup, je pense qu'on n'est pas, même chimiquement, sur le même niveau d'adrénaline entre une pratique de sport extrême et des jeux vidéo, en tout cas pour moi. Et là, je vais reprendre mon masque de sociologue, notamment sociologue de l'imaginaire, en citant Gilbert Durand, qui consacre un peu justement toute son œuvre à ce qu'il appelle, à l'imaginaire de manière générale, et à ce qu'il appelle la fonction fantastique. Et... pour lui, il résume la fonction de l'imaginaire humain, à appréhender la mort et à euphémiser la mort, à essayer de l'adoucir à travers trois grandes techniques qui se différencient selon les cultures, etc. Mais donc, ouais, pour résumer, pour Gilbert Durand, si l'imagination humaine, elle est focalisée sur la mort et sur les manières dont elle va l'adoucir, l'euphémiser, soit à travers la confrontation, donc c'est plutôt notre sujet aujourd'hui, à savoir comment tuer la grosse bête. Ça va se faire avec des monstres qui seront terrifiants, des gros monstres exacerbés, tout et tout. Et la plupart du temps, face à ça, on a un héros qui va être super fort, super musclé, et donc qui va être à la hauteur de ces monstres. Et soit ça peut se faire par peut-être ce qu'on pourrait appeler par une autre euphémisation, qui serait peut-être les stratégies de contournement du mal, ou le fait de dompter, par exemple, une créature, un monstre. Peut-être qu'on pourrait la rattacher à l'infiltration éventuellement, c'est à voir. Enfin bon, Gilbert Durand, il s'est beaucoup intéressé à cette question, et je pense que ça rentre en plein dedans. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on va encore rentrer en plein dedans avec la pause musicale. Alors c'est une... j'ai énormément hésité, parce que forcément on parle de survival horror, alors je sais pas, Akira Yamaoka m'est apparu, comme ça. Akira, Dieu Yamaoka. Pardon. S'il te plaît. Excusez-moi. Je sais pas qui c'est. C'est le compositeur et le sound designer de la série Sans Utile. D'accord. Voilà. Et au bout d'un moment, mon choix s'est porté sur les chansons qu'il a composées pour Silent Hill, avec la chanteuse Elizabeth McGlynn, qui était à la base actrice, qui a une superbe voix. Mm. Et au final, j'ai décidé de rendre hommage à ce Silent Hill, le seul Silent Hill occidental potable, Silent Hill Shattered Memories. Ouais. Et dedans, il y a une chanson qui s'appelle Hell Frozen Rain, et c'est ça qu'on va écouter pour la pause musicale. Sur ce, on vous dit à tout de suite. Bon, moi, je suis déjà chaud de rebondir après. Là. In your mind's eye lives a memory hard to find, blinded by sorrow, and her cold voice sings a melody here to sing. Hell frozen rain. Can't hear you call. You have earned your choice. If you're here, can you prove? Your mind's eye. Moi je vous propose de rebondir tout de suite. J'allais rebondir aussi sur un truc, mais vas-y. Moi je voulais pas rebondir, mais ça me dérange pas de rebondir aussi. Voilà. Rebondissons. Tu pourras rebondir sur notre rebondissement. Donc, vas-y. Moi c'était sur le. Quand on avait parlé là, le fait que le joueur, peut-être il commence à s'emmerder parce qu'il est habitué au design, aux mécaniques de jeu et tout et tout. Je pensais à Alien Isolation. Je voulais en parler. Et donc, est-ce que ça m'étonnait qu'on n'en parle pas encore au niveau des... Parce qu'il est truffé de bonnes idées, ce jeu, pour renouveler l'expérience horrifique. Au niveau des jeux emblématiques, du Survival Horror, je pense qu'il situe bien. C'est un des jeux, j'ai pas du tout joué, j'ai regardé un let's play en entier, et j'ai ultra flippé sur le let's play. Je pense que j'ai eu plus peur sur le let's play que si j'y jouais moi-même. Je rappelle, hein, le let's play, c'est quand... un joueur se filme en train de jouer au jeu vidéo, voilà. Et donc je pensais à ce jeu là parce qu'au final dans la pratique du jeu c'est peut-être plus compliqué dans Alien Isolation de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, parce que ce que j'ai compris, il y a une intelligence artificielle qui est l'alien en question. Donc je rappelle le contexte, on est dans un vaisseau spatial, toujours un truc à peu près du genre, où on est bloqué dans un vaisseau spatial et genre on va devoir s'échapper. Et donc il y a un alien qui... L'alien de la saga mythique du cinéma Alien. Voilà, enfin, tant préciser comme ça, s'il y a des cinéphiles qui nous écoutent, eh bien il y a une adaptation de Alien. Enfin, d'ailleurs, ça se situe entre le 1 et le 2, si je me souviens bien, au niveau de l'histoire, Alien Isolation. Enfin, bref. Donc oui, et l'alien apprend chacune des techniques du joueur. Tant que ça ? Je sais pas. Il me semble, oui, parce que par exemple, si t'arrives au lance-flamme en face de lui, ça va marcher une fois, pas deux. Et il va apprendre à chaque fois. Et en même temps, l'intelligence artificielle va se dire, tiens, il est arrivé en face de moi dans un couloir, bah, je vais arriver par les plafonds maintenant. Et ça sera à toi de trouver à chaque fois un nouveau moyen. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, l'alien, tu sais jamais où il va arriver réellement. Tu fais, d'accord, j'ai fait ça pour le faire fuir, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Y a quoi qui va marcher Donc, tu es tout le temps obligé de trouver des trucs, donc tu paniques. Ce qui veut dire que le joueur doit réfléchir à sa prochaine tentative de faire fuir l'alien, un endroit où se cacher. Ne pas arrêter de se dire, faut pas que je m'arrête de marcher parce que si je reste trop longtemps au même endroit, l'alien va arriver à un moment ou à un autre. Ça fait quand même trois trucs en même temps sur lesquels penser. Ah, et regarder le décor parce que l'alien peut se cacher dans le décor. Ouais, ça fait peur. Et ça, du coup, c'est intelligent. Du coup, je savais pas du tout. C'est peut-être, j'ai peut-être intégré ça en regardant le let's play parce que justement, j'avais cette impression que la stratégie de l'alien en fait. Elle était compliquée, j'avais l'impression que le joueur ne pouvait pas réussir à anticiper quand est-ce que l'alien allait débarquer, quelle était vraiment la stratégie, par exemple sur le bruit des pas. Je crois que quand on court par exemple, ça attire l'alien, et par le bruit que fait le joueur dans le jeu, ça peut attirer l'alien, et donc il y avait toujours ce côté, j'avais l'impression de « Ah, je sais pas », j'essayais justement de trouver un peu la loi générale du fonctionnement, tu vois, de comment l'illusion a marché du coup. C'est ça, de comment on arrivait à savoir si l'alien il allait venir ou pas, comment l'esquiver tout. Et à chaque fois j'étais là en mode ah, ben je sais pas trop. Et donc c'est intelligent parce que du coup ça force le joueur comme t'as dit à réfléchir et donc à élaborer une nouvelle stratégie en permanence. Et je pense que ouais c'est une bonne stratégie pour mobiliser de l'angoisse et du stress parce que chaque stratégie doit être nouvelle et on sait jamais quoi faire. Et ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène, c'est qu'ils reprennent les codes de Alien aussi avec la bave qui tombe du plafond de l'alien. L'alien, un truc qui marche super bien dans l'horreur, je m'en rappellerai toujours. Je vois l'alien arriver, je fais non, je vais dans un petit couloir, tac tac tac, je passe dans les murs et je m'arrête dans un couloir. Je fais bon, maintenant je vais réfléchir et tout à coup j'entends et je vois en fait la porte de la bouche d'aération s'ouvrir en face de moi et l'alien en train de me regarder faire je fais ah merde. J'ai beaucoup crié à ce moment-là. Et ce qui est génial avec le jeu vidéo, c'est que justement, on peut agir et on peut réagir. Et quand il y a quelque chose qui arrive, on peut, comme tu viens de le dire, on peut réfléchir à une solution. Alors que dans le cinéma, par exemple, si on prend Alien Covenant, bah, les personnages sont débiles. Il y a eu un trou noir. Et on peut rien y faire. Parler, non, c'est bizarre. Et c'est terrible. Mais respecte-toi, je veux dire. Au pire, tu cites un des quatre premiers, ou le premier qui est un film d'horreur, mais c'est bon, quoi. Mais eux, ils réfléchissaient un tout petit peu. Non, mais c'est bon, arrête de parler de Covenant. Bon, tu vas quand même pas nous parler de Prometheus, quoi, en plus. Attends, mince, j'en leur parle. On va finir par invoquer Durendal, comme ça. Non, mais. Et ce qui est fort aussi, parce que j'ai essayé de me remémorer un peu le jeu, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait que tu saches la présence, que tu connaisses la présence de l'alien sans le voir, sans savoir. Enfin, si tu sais où il est, mais sans le voir, avec cette espèce de. Je crois que c'est. Non, c'est pas une montre. Une espèce de scanner. Ouais, c'est ça. Un espèce de. Ouais, de. Et ça vient du premier Alien et du deuxième aussi, je crois, pour voir l'armée d'aliens. Ils ont un petit truc qui arrête pas de biper et ça fait des petits points. Et comme ça te permet de savoir si c'est l'alien. Mais le truc qui est d'intéressant dans le jeu, c'est comme il y a aussi des androïdes qui sont méchants, c'est est-ce que en face de moi c'est l'alien, dans quel cas il faut vite que je cours. Ou est-ce que c'est un androïde, dans quel cas il faut vite que je cours. enfin, ce qui change, bon, enfin, dit comme ça, on a l'impression que c'est la même chose, mais ce qui change, c'est le rapport à l'entité ennemie que je vais avoir. Si c'est l'alien, j'ai aucune chance et il va falloir que je prépare ma nouvelle défense. Si c'est un androïde, il va falloir que je fasse autrement, parce que l'androïde, il va foncer tout droit, lui. il va pas chercher à passer par les couloirs et tout ça, donc peut-être que il va être ailleurs, il sera pas dans un couloir, il sera dans un mur. Et ça, ça fait flipper aussi. Alors on peut fuir les deux menaces aussi, mais pareil, on les fuit pas pareil. L'androïde, c'est plus facile, l'alien, c'est plus compliqué. C'est le machin, il peut ouvrir les portes, il arrive de partout. Donc. Et puis Alien Isolation est vraiment le bel exemple du courant des jeux d'horreur actuels qui te mettent dans la position de la proie. Oui. Vraiment. C'est-à-dire que là, tu es chassé constamment. Et c'est comme ça qu'ils font susciter la peur aussi, au-delà de toute la mise en scène que vous avez dit, c'est que on se sent dans cette position de proie et surtout impuissant, complètement impuissant. Et le danger vient de là, c'est qu'on a... C'est pas comme dans un jeu d'action, tu vois, où... Je dirais pas complètement impuissant, parce qu'Alien Isolation, t'as des moyens de faire au moins fuir l'alien. Oui. Mais le truc, c'est que voilà, moyen s'évapore au moment où tu l'as utilisé. Oui, mais voilà, tu le fais fuir. Enfin, tu t'es pas dans une logique de destruction, tu peux pas... Tu sais très bien que quand t'as l'alien, tu vas pas le flinguer. Comme ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et parce qu'en fait, ça, c'est toute la tradition qu'il y a eu depuis quelques années sur PC, parce que finalement, le survival a eu une seconde vie sur PC pendant très longtemps, avec beaucoup de jeux indépendants d'ailleurs, qui sont aussi en vue subjective, et qui nous mettaient tout le temps dans cette position de proie, on est toujours chassé par une entité bizarre. Un peu les précurseurs, je ne me rappelle plus le nom de ce studio, mais ils avaient déjà commencé avec Penumbra sur PC. C'est après eux qu'on fait Amnesia, qui a été très très important aussi. Là, pareil, hein, on est impuissant face aux entités. Tu sais, c'est le jeu avec la lampe à huile que tu as toujours à la main. En gros, tu peux te cacher dans le noir, sauf que si tu restes trop longtemps, ton personnage perd la santé mentale ou la santé, je sais plus exactement. Et s'il voit trop d'ennemis, il continue de perdre cette santé mentale et tu peux mourir de folie, donc, on va dire. Tu dois à la fois te cacher et t'infiltrer, mais tu peux pas rester planté à un endroit, parce que le jeu va te forcer à bouger, donc te forcer à te confronter face au danger. Et Amnesia a été un grand jeu qui a fait peur à beaucoup, beaucoup de gens quand il est sorti. Et qui a eu aussi plein de modes, c'est-à-dire de modifications apportées juste par des joueurs pour renouveler leur expérience de l'horreur. Et c'est ce qui a rendu aussi le jeu d'autant plus célèbre, c'est que tout le monde a fait ensuite son niveau d'horreur. Il y en a même qui ont fait des niveaux un peu plus ouverts, qui faisaient peur, comparé à beaucoup de jeux à gros budget qui se sont essayés au monde ouvert dans l'horreur et qui se sont cassés les dents. Donc c'était ce qui est intéressant. En parlant d'horreur, c'est le moment de parler parce que j'y joue en ce moment, Flo aussi. Death Stranding, par exemple, aborde des trucs d'horreur. Mais justement, on va en parler pour l'habitude à prendre. Vous en faites pas, je vais rien spoiler de Death Stranding. Enfin, pas réellement. Pas de moment du scénario, en tout cas. Les échoués, lorsqu'on les voit, donc c'est des entités invisibles, mortes, qui peuvent nous surprendre et nous agripper pour nous tuer. Au début, ça fait peur, parce qu'on ne les voit pas ou très peu, et en plus, il faut à chaque fois retenir sa respiration, donc on se dit qu'il ne faut pas relâcher sa respiration, sinon un échoué va arriver et va nous faire peur. Mais il y a un moment dans le jeu où on commence à avoir des armes pour lutter contre eux, et ça devient juste une promenade de santé. Et ça devient comme, pour l'instant, je suis qu'à l'épisode 5, donc voilà. C'est-à-dire, vous allez marcher tout droit. Et ces trucs-là qui faisaient peur, c'était une super bonne idée. En plus, on a un bébé qui pleure en même temps pour nous aider à les voir. Donc ça rajoute un sentiment de malaise, la mort, un bébé, etc. Mais une fois qu'on a les armes, on va tout droit, on jette des espèces de grenades, pouf, on les flingue un par un. Et ça fonctionne plus. Autre chose qui ne fonctionne plus, c'est le fait de les voir. Bah, voir la menace invisible, qui est censée être invisible, pourquoi j'aurais peur? Je sais où elle est. Tandis que si on nous l'a suggéré simplement avec l'espèce de machine qu'il y a dedans, qui claque des pinces, là on aurait un peu plus peur, on sait à peu près où est la menace, mais on ne sait pas exactement où elle est. Là on sait exactement où elle est. En fait, c'est juste un... Mais même les zones dans lesquelles ils sont prédictibles. Définis. Voilà. Donc tu sais qu'au bout d'un moment, qu'à un moment donné, tu peux avoir une météo, et tu sais qu'ah, ok, il va pleuvoir à tel endroit, et je sais que là, il y a des échoués. Donc si tu y vas, tu sais que tu en verras. Et tu peux tout anticiper. Et ça devient non seulement l'habitude de l'horreur parce qu'on anticipe effectivement où ils sont. Au bout d'un moment, on sait comment ils se déplacent. Donc on apprend réellement comment notre prédateur se déplace. On le voit, on sait où il est exactement. Au bout d'un moment, ça devient nous le prédateur. Et puis surtout, on peut le détruire très facilement. Oui. Les grenades, tu peux en avoir facilement. Et faire en sorte qu'un échoué arrête de t'embêter la vie, c'est tout aussi facile. Donc, tu te sens plus en danger. Tu te sens plus en danger. Mais parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que les survival de maintenant mettent en scène des mécaniques de jeux d'infiltration. On se cache maintenant dans les jeux d'horreur. Ce qui était avant, c'était pas le cas. On se cachait pas. Il faut savoir que tout ce courant-là, en fait, prend son origine dans un jeu. Alors, je sais plus si c'était NES ou Super NES, qui s'appelle Clock Tower, qui est un jeu en 2D, dans lequel alors je me rappelle plus l'histoire, mais le contexte, on joue une jeune fille qui se fait poursuivre par une sorte de nain un peu bossu, qui a une tête un peu difforme et qui a des très grands ciseaux. Et il n'a de cesse que de nous poursuivre et on ne peut pas l'affronter directement. Il faut toujours qu'on se cache pour le laisser quitter l'écran pour qu'ensuite on puisse continuer à explorer. Et c'est marrant parce que jusqu'à récemment, le survival n'avait pas poursuivi cette voie lancée par Clock Tower. Et maintenant, c'est la voie habituelle des jeux de survie, des jeux d'horreur, de faire ça. On ne le sait peut-être pas, mais le survival horror peut être une bonne porte d'entrée pour renouer avec le jeu vidéo, n'est-ce pas, Tiffen? Pour nouer tout court, hein. Oui, parce que tu avais t'avais joué à MGS1 quand t'étais toute petite. Oui, et après j'avais pas joué sur console tout court, quoi. Oui, jusqu'à la Play 4 et à regarder du coup pendant une fameuse soirée survival horror le jeu, c'était Evil Within. Ouais, c'est ça. Le 2. Le 2. Donc moi je connaissais ni le survival horror, ni le jeu depuis très longtemps. Et j'ai pu découvrir qu'on pouvait regarder, en fait, assister à un jeu comme on peut regarder un film. C'était assez fascinant, en fait, de voir ça. En plus, ce qu'il y a d'intéressant sur The Evil Within, c'est que la direction artistique change. Donc, on a plusieurs ambiances horrifiques différentes. Trois univers, je crois. Trois univers. Il y en a un qui c'est sur la photographie, le cinéma, la théâtralisation de la mort, l'esthétisation de la mort, la pulsion scopique. J'ai fait une vidéo dessus, The Evil Within, pulsion scopique. Je me rappelle même plus du nom de mes propres vidéos. Ouais, non, c'est pas ça, mais le titre de ta vidéo. Ouais, c'était Transcender la photographie du cinéma. Voilà. Je vous la mettrai en lien dans la description pour voir plus en détail ce que je suis en train de dire. Mais enfin, bref, c'est ça. Tout cet univers-là. Ensuite, on a un univers plus donjon, ultra gore, zombies en morceaux décapités, éviscérés et tout le soin. Et ensuite, on a un truc plus épuré dans l'horreur, blanc, etc. C'est très intéressant. Donc, oui, forcément, c'est une bonne porte d'entrée. Mais là où il s'est un peu cassé les dents, c'était plutôt dans le monde ouvert, non ? Enfin, je sais pas, toi, où on a vite pris l'habitude du monde ouvert. Il était petit pour un monde ouvert, très petit. Oui, donc, c'est en fait, pour ça que c'est plus une zone ouverte que monde ouvert. Mais c'est surtout le côté RPG light qui nous a gonflé. Ouais, parce qu'en RPG light, c'est-à-dire que, eh bien, pour faire ce jeu, il faut débloquer des capacités qui sont assez redondantes au bout d'un moment, sprinter plus loin, parce que Sébastien est un asthmatique level 10-10-10-10-10. Pouvoir tuer un ennemi quand on est à couvert, ça paraît voilà, la base. Bah, en fait, le personnage est très faible à la base, comme dans beaucoup de jeux de survival horror, sauf que le jeu n'est pas prévu pour qu'il reste faible. En fait, il faut réagir, il y a de l'action à certains moments. Et là, ça devient la répétitivité, ou plutôt l'ennui par rapport à une règle du jeu, où on n'a plus peur. C'est-à-dire qu'on est plus préoccupé par cette règle d'augmenter notre personnage que par l'ambiance du titre, où au bout d'un moment, on va faire « Attends, le loot, faut que j'aille récupérer tel objet dans telle pièce pour augmenter, machin. » On est plus omnibulé par ça que par les 2-3 zombies qui se cachent dans les ruelles. Et donc, ce qui fait qu'on a plus peur. Et au bout d'un moment, en cherchant des éléments pour augmenter, on apprend aussi forcément les niveaux plus facilement. Donc le jeu, on le trace. Et quand on est à bloc, après, c'est sûr qu'il n'y a plus du tout de peur, puisqu'on flingue les zombies en juste un petit coup et c'est réglé, quoi. Et en plus, surtout, on avait Chris qui faisait bugger le jeu. Donc, oui, un ami à nous qui crée les bugs dans les jeux. Pratique sur les boss. C'est son talent dans la vie, il crée des bugs. Voilà. Donc, du coup, il ne s'ennuie pas. Voire il s'énerve souvent. Hein, Je pense notamment à Resident Evil 7 où il a réussi à faire bugger un boss dans le mur. C'est... Ah ouais, non. C'est... En fait, il y avait un boss, une espèce de boss araignée, Resident Evil 7, et il s'est foutu dans le mur. Et l'ordinateur n'a pas capté qu'il était dans le mur, donc il continuait d'avancer dans le mur. Ce qui fait qu'il est allé juste derrière et c'était l'un des boss les plus durs. Au final, ça allait quoi. Il avait créé le bug alors que le jeu était à jour. Bref. Par contre, ouais, ce qu'il y a d'intéressant quand on regarde du coup un jeu vidéo d'horreur par rapport au cinéma, c'est que on stresse aussi pour le joueur qui est à côté de nous. C'est assez intéressant. Et on a envie qu'il réagisse parfois. Oui, il n'a pas les mêmes peurs. Voir, c'est le joueur qui joue qui te fait plus peur, oui, que le jeu. Oui, voilà. C'est le cas, avec par Florentin, exemple, de notre c'est... très cher ami Florentin qui fait Resident Evil 7 avec lui a été extraordinaire puisque ce monsieur panique très facilement et quand il panique, il va tout droit. Et je me rappelle ce moment où il était, c'était dans les sous-sols du manoir, et il vient de quitter une succession de pièces où il y avait des saloperies dans tous les sens. Il va à l'opposé, et là, il y a un danger. Il se retourne, il fonce tout droit, exactement à l'endroit qu'il venait de fuir, parce qu'il y avait des monstres, et il tire n'importe où. Ah, mais en fait, c'est toi qui as écrit Alien Covenant. C'est pour ça les réactions. Et donc, moi, ça a été une expérience extraordinaire, parce qu'il y a des moments où on a eu peur pour ce que le jeu a fait, mais 60% du temps, ça a été Florentin qui... Peur du joueur, en fait. Voilà. Et c'est assez génial. Merci pour cet hommage. Au moins, on a vécu le jeu. Aussi, en exemple, forcément, d'horreurs différentes, on peut prendre la saga des Silent Hill. Alors, vieille saga, 2003, 2004, si je dis pas de bêtises, doit être 2003, par là. Silent Hill Silent Hill 3. Ah, Silent Hill 3, ouais. Et ensuite, ça s'est étendu jusqu'au 4. Bon, Origins, on l'accepte généralement jusqu'à 2005-2006. Ouais, t'es un peu fouillé. Le 1 est sur PS1. Ouais. Après, il y a eu le 2, 3, 4 qui ont été créés par la team originelle, la team Silent, donc les Japonais. Le 4 était un peu bâtard parce que ça devait pas être un Silent Hill. C'est ça. Il devait s'appeler The Room, tout simplement. Et à partir du 4, ça a été au moment où les Japonais se sont dit « Merde, nos jeux, ils marchent pas trop bien en Occident. » Donc on va demander à des Occidentaux de faire des jeux avec nos licences pour qu'ils fassent des jeux pour les Occidentaux. Et donc Origins a été développé par... En partie par des Américains. Ouais, c'est pas le studio qui a fait Shattered Memories d'ailleurs. Je crois que c'est le même studio. Je sais pas. Bon... C'est des Anglais, non, il me semble. Je sais pas, et ensuite il y a eu Homecoming ou... Non, Shattered Memories. Ah ouais, c'est pas... Ouais. Il y a eu Origins, Shattered Memories. Ouais. Qui sont... Shattered Memories est vraiment génial. Après, il y a Homecoming par les Américains qui est affreux. C'est ce qui est intéressant avec Homecoming, pour conclure le truc, c'est que on a l'impression qu'ils ont fait un effort pour louper. Alors, il y en a qui l'aiment, ce Silent Hill, mais nous, on a trouvé qu'il y avait eu un effort assez incroyable pour louper le jeu. Mm. Même la fin humoristique avait été loupée. On a pas rigolé. Les autres Silent Hill, ils allaient loin dans le what the fuck. Il y a des fins chiens. Où c'est un chien qui contrôle Silent Hill finalement, et James Sunderland se met à genoux et fait « Oh mon dieu, tout ceci était contrôlé par un chien !» Et le chien tout... Et t'as même le générique où t'as la photo du chien qui sourit comme ça, qui passe. En fait, ils sont allés loin dans le délire et... Ah, c'est un désastre. Et là Homecoming, c'était assez désastreux. Enfin, ton personnage savait faire des roulades. Il y a Pyramid Head, donc ils n'ont pas compris que Pyramid Head était un méchant du 2, parce que Silent Hill, c'est censé être la psyché du personnage qui fait partie de Silent Hill. Et bref, Silent Hill, jusqu'au 3, 4, c'était des plans de caméra. Fixes, voilà. Enfin, en léger travelling quand on se déplaçait. Mm. Et ce qui est intéressant dans cette horreur-là, c'est parce qu'ils cachaient ce qu'ils voulaient cacher. Ils accentuaient les noirs au bout des couloirs. Mm. Donc on a ces plans-là qui jouent sur le hors-champ. Y a-t-il réellement quelque chose, avec une petite radio qui grésille pour savoir s'il y a un monstre? Sauf qu'au bout d'un moment, c'est cette radio qui nous fait flipper, alors on l'éteint. Puis quand on l'éteint et qu'on voit un monstre, on fait « En fait, j'aurais peut-être pas dû l'éteindre, donc je vais la laisser avec moi. » Il y a toute cette façon de mettre en scène l'horreur et aussi jouer sur les difficultés techniques de la console. C'est-à-dire que, on l'a dit au début, mais pour passer à autre chose, Silent Hill, il y a beaucoup de portes qui sont fermées. C'est souvent « Ah mince, le verrou est cassé, le verrou est cassé. » En fait, ça, c'était une erreur de codage à la base. Mais le truc, c'est que ça joue dans l'horreur. Quand vous voyez un immense couloir, qu'il y a un monstre qui vous poursuit ou pas, que vous êtes oppressé par la musique et que votre personnage n'arrive jamais à ouvrir les portes... Quelle est la bonne porte? Donc, on a plus de chances d'ouvrir une porte d'une pièce maléfique. Et Silent Hill va jouer sur ça. C'est-à-dire, on essaie d'ouvrir des portes et on tombe sur des pièces qui sont affreuses dans l'horreur et qui ont marqué beaucoup de joueurs, d'ailleurs. Et puis, dans ces plans de caméra... souvent il y a ce sentiment un peu comme si on était épié, observé. Mmh. Et c'est très très très dérangeant, surtout quand les caméras sont hautes au niveau du plafond, on en a toujours l'impression qu'il y a un regard sur nous et on se sent jamais en sécurité. Alors quand cette caméra part en plongée soudainement au loin en travelling avant, vas-y. Si moi justement ce qui m'a dérangé c'est dans le 3, quand justement t'as ton personnage, donc t'as la caméra derrière le personnage, tu vas pour rentrer dans une nouvelle pièce et là tout à coup, plan d'après, t'as la caméra qui est complètement à l'opposé de toi, qui te regarde en fait. Et là tu sais plus si c'est toi, si c'est un autre personnage, c'est... et c'est super déstabilisant. Ça marche très très bien pour ça. Et puis aussi la zone d'ambiguïté. Moi je me rappelle ma première rencontre avec une infirmière. Je suis dans un couloir, il y a la radio qui grésille. J'avance un peu et du coup je l'éclaire, mais vraiment du bout de mon faisceau lumineux. Et je vois cette infirmière qui se tient de manière un peu bizarre avec les longs cheveux noirs là qui pendent. Je la vois qui lève un bras, je dis qu'est-ce qui se passe? Et bam, elle me tire dessus. et vraiment j'ai bloqué, je fais merde. Et je me suis senti vraiment. Là, pour le coup, en danger. Et bon, après, je l'ai vaincu. Mais vraiment, toute cette mise en scène, l'avoir levé le bras, j'arrivais pas à voir ce qu'elle faisait. Et, ce qu'il y a d'intéressant avec les Silent Hill, alors forcément, aujourd'hui, ils ont vieilli. Les personnages sont rigides. C'est compliqué pour quelqu'un qui a grandi avec la PS3 ou la PS4 de jouer à ces jeux, réellement. Ah bah, c'est simple, hein, tu préfères faire des marches arrière, hein, souvent. Enfin, vraiment, mais si on l'a découvert à l'époque ou si on arrive à se faire au contrôle actuel, on a vraiment des gens, notamment nous, qui avons joué au Silent Hill avec Flo, ouais. Où on a eu des expériences qui nous restent en tête de Silent Hill. Moi, ça a été le seul jeu qui m'a fait quitter à cause du son. Dans Silent Hill 3, au moment de rentrer dans un ascenseur, j'avais joué avec un casque qui localisait hyper bien les ambiances sonores. Et j'ai pas réussi à rentrer dans l'ascenseur, en fait. J'ai exploré le couloir, j'ai fait c'est bon, j'ai arrêté, j'ai posé mon casque. En plus, il était minuit, j'ai fait je suis con, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder des photos de chats à la place. j'étale le truc et je suis allé me coucher, quoi. Mais en même temps, les Silent Hill sont aussi des jeux qui, dans la représentation horrifique, allaient jusqu'au bout. S'il fallait te rebuter, te dégoûter à vie, que après avoir visité cette chambre-là, tu ne rallumes plus le jeu, Silent Hill le faisait. Enfin, il y a. Puis c'est des jeux qui suggèrent beaucoup. En fait, Silent Hill, la plupart des moments où tu es vraiment saisi par la peur, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de danger en soi, c'est juste toi qui t'es affolé. Et c'est d'une puissance. Le juste, pour ceux qui sauront à quoi ça correspond, la salle avec le miroir dans le 3, c'est là où moi j'ai eu ma crise de panique. Techniquement, il ne se passe rien. Mais c'est juste, il se passe un truc et tu commences à t'affoler, à imaginer des trucs. Elle est aussi lourde de sens pour le personnage quand on sait. Tout à fait. Mais c'est là la grande différence, parce qu'on va l'aborder avec Resident Evil, c'est que Silent Hill suggère. Et Silent Hill t'amène à ce que tu aies peur, mais c'est juste toi qui te fais peur toi-même. Et rien que ça, c'est magistral. Ah, Victor. Et enfin, du coup, je sais pas trop, parce que j'ai jamais joué au Silent Hill, mais je pense à Dead. J'ai oublié le nom, c'est Dead Space. Dead Space, ouais. Je pense à Dead Space où des fois, tu parles d'aller toujours plus loin dans le gore ou dans la peur et tout et tout. Et moi, je trouve qu'au final, ça finit par être un nanar. Dans Dead Space, ouais. Moi, il y a plein de passages qui m'ont fait rire. Par exemple, un espèce de bébé zombie dans une nurserie, tu le vois avancer, dans le 2, tu le vois avancer au fur et à mesure. En fait, il y a une fenêtre une grande baie vitrée, on va dire, qui te donne sur une espèce de nurserie, de garderie pour enfants, et tu vois un espèce de bébé zombie qui arrive, qui commence à avancer, je crois, qui finit par exploser, puis t'as des boyaux partout sur la baie vitrée, enfin ce genre de truc. Et à la fin, moi, ça me fait rire parce que c'est tellement dans le. Il y a tellement une surenchère qui est faite dans le gore. Silent Hill, c'est beaucoup plus élégant que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis. C'est par exemple ce qu'on peut reprocher à The Evil Within 2, d'aller dans la surenchère du gore au bout d'un moment, tu t'habitues. Tandis que la puissance de Silent Hill, c'est non seulement de te suggérer visuellement les choses, mais aussi de te raconter tant visuellement que scénaristiquement à travers les lignes de dialogue, c'est-à-dire à travers les non-dits des personnages, l'horreur. Et c'est quand ton cerveau fait l'agencement de tout ça. Qu'il commence à comprendre l'histoire, que là tu deviens dérangé en repassant dans un couloir auquel t'es déjà passé peut-être, et tu te dis merde, putain, il s'est passé tout ça là-dedans, quoi. Et là tu te sens pas bien, surtout quand tu t'impliques dans l'histoire, et là t'es vrai, enfin, t'as quelque chose de. C'est juste de la suggestion, mais ça fait partie de l'univers du jeu, et quand t'es rentré dedans, plus avec Akira Yamaoka qui s'amuse à te torturer les oreilles à travers sa conception de l'horreur musicale. Ouais, qui a fait en sorte que tu ne puisses pas identifier ce que tu entends. Voilà, et avec de... Avec des bruits organiques mélangés avec du métallique, tu sais pas... C'est ça. Et de soudainement couper la musique. Enfin, pour l'époque, c'était chouette, quoi. Mm. T'as une musique qui hyper métallique, industrielle, on va dire. Et ensuite, ça s'arrête et t'as juste le bruit de tes pas. Mm. Et en plus, c'est des jeux... en tout cas pour les quatre premiers, qui racontent des histoires qui sont très sensibles et très intéressantes. Silent Hill 2 se propose de parler du deuil, ce qui n'est pas rien quand même. Le 1, c'est déjà la parentalité. Ouais. Un père qui recherche sa fille. Le 3, c'est l'adolescence. C'est les films. Voilà, le 3, c'est l'adolescence. Le 4, c'est plutôt le voyeurisme, j'ai l'impression. Ouais. Le voyeurisme. Le 5... C'était avec Origins, c'était ouais, et puis aussi, compliqué, je crois. C'est quand même un sacré drame familial, le 4, avec l'histoire de Walter Sullivan, ce qui vit, enfin voilà, c'est cet abandon, enfin c'est aussi socialement, c'est très violent, le 4, hein, quand tu prends le temps de lire les documents. Et donc avec tout ça, un participe forcément dans l'horreur, mais encore une fois, il faut s'impliquer, il faut rentrer dans le jeu. Dans le 4, t'as quand même un orphelinat qui est construit comme une prison. La prison qui est circulaire, là, qui est un vrai modèle de... Je crois que Foucault, il en parle d'ailleurs. Le panoptique, voilà. Sur le fait que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui se surveillent. Y a un gardien en plein milieu, en fait. C'est, en gros, il peut voir absolument tout, et en même temps, les prisonniers peuvent voir absolument tout ce que font les autres prisonniers. Donc tout le monde se surveille, chacun... Sauf le gardien qui ne veut pas être vu, je crois. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Merci d'avoir remarqué le... Vraiment instaurer quelque chose de l'ordre de la paranoïa. Mm. On sait qu'on a observé. Et... Enfin, ouais, non, c'est inutile, c'est quand même fabuleux. Et on n'a pas encore parlé de The Forest, qui pour moi représente un peu... C'est le premier jeu moi qui m'est venu à l'esprit en termes de survival horror, parce que c'est vraiment le jeu qui mélange survie et horreur, pour moi. À savoir... qui s'inscrit dans la lignée des jeux qui ont suivi Minecraft, c'est-à-dire un jeu de survie en monde ouvert, parce que Minecraft est sorti, il y en a eu une chier, et The Forest, ça fait partie. Et d'ailleurs, c'est un des rares qui a survécu à cette vague-là, qui est sorti fini, et qui a rencontré le succès. Parce qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Ouais, il y a eu beaucoup de jeux indés, justement, qui ont essayé de jump on the train, sauter sur le train de la mode de Minecraft, et surtout Rust. Moi, j'aurais plus pensé à Rust parce que c'est vraiment un Rust version horreur, tout simplement. Rust, c'est un jeu, c'est un peu comme un Minecraft mais en moins cubique, et pour résumer, et où on fait sa petite maison en coupant du bois, en récoltant de la pierre, etc. Ça reprend un peu cette dynamique là et ouais, je crois que The Forest reprend un peu ses mécaniques avec on pose sa petite cabane, on fait ses petits sa petite maison, et en même temps il y a des tribus qui cannibalo est... mon mutant ouais. Et j'y pense, c'est un peu l'archétype, on va dire, l'image principale du survival horror, c'est le monstre dévorant qui veut toujours nous bouffer. Après, bon, on a déjà touché un mot, mais Resident Evil, qui est quand même une série fondatrice, qui est sans doute la série qui a, dans le jeu d'horreur qui a le plus de succès, mais où là, on est dans quelque chose de plus... plus on direct est, dans l'horreur. On est plus dans le spectacle et plus dans le suspense, dans l'anxiété, dans le stress. Voilà, on sait de toute façon qu'il va y avoir des zombies. On sait que ça va arriver à un moment donné. Enfin, et on est plus dans l'affrontement dans Resident Evil. Mm. On nous incite aussi à esquiver, mais... Par exemple, le 6. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, sur le 6, tu perds un peu l'horreur parce que c'est déjà on joue des personnages qui sont un peu plus forts, qui sont mieux équipés, et le danger, tu le vois. C'est pas une surprise, enfin, y a peu de moments comme ça où le danger t'arrive au hasard et tu as de quoi l'affronter. Donc la peur, c'est pas du tout la même, on est plus sur de l'action. Alors, moi, quand je pense aux Resident Evil, je pense vraiment aux anciens. Par contre, là où c'est fascinant, notamment le premier Resident Evil. Avec le remake là, qu'on appelle Resident Evil Rebirth. D'ailleurs, on tient ce nom-là à Julien Chiez, au fameux ménestrel du jeu vidéo qu'il avait nommé comme ça à l'époque, et c'est resté. Où on explore ce manoir, mais ce qui est impressionnant, c'est que l'agencement et les proportions sont à taille humaine et sont logiques, en fait, on se repère dans le manoir au bout d'un moment. Et on y croit, en fait, à ce manoir. Tellement il y a de détails. C'est impressionnant dans l'environnement, comment les pièces sont agencées. En plus, les documents racontent qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'on arrive. Il y a une note, moi, qui m'a glacé le sang, où le mec tient un journal où il raconte sa zombification par étapes. T'en as une où tu lis, le mec dit « Ouais, voilà, il m'est arrivé ça et je me suis planqué dans le placard. » Et dès que tu finis de lire la note, t'as un zombie qui sort du placard. Enfin, voilà, quoi. La narration environnementale que Darsoul a dépoussiéré, le premier Resident Evil est impressionnant. Et encore actuellement, il est impressionnant sur ça. Donc on est plus de ce côté-là. Et pour revenir à Death Stranding, Norman Reedus a failli quand même jouer dans un jeu d'horreur à la base. Silent Hills. Et ouais. Et du coup, le projet a été abandonné. Ouais. Konami a... Ah non. Bon, après, c'est un très très court aparté, mais vu que le producteur qui bossait depuis des années avec Kojima est parti après Death Stranding, on peut se poser des questions sur Kojima et la façon dont il mène ses équipes, plus que c'est lui qui a tout fait, toujours tout fait. Mm. Il fait les concept art, le marketing, il fait même le café, il fait tout lui-même, il réalise tout et il aime beaucoup tout faire parce qu'il n'y a que lui dans le studio apparemment. C'est chouette, il fait tout. Vous le saviez, Kojima s'appelle Dieu aussi. Après, dans l'école Silent Hill, il y a les Project Zero aussi, qui eux, on est plus dans le côté l'univers Japon féodal et ça touche aux fantômes, aux histoires de fantômes. En parlant de ça, on va peut-être j'y pense. Je crois que ça va bientôt faire une heure qu'on est en train de parler pour englober tout ça. Deux écoles en fait de l'horreur, une plus occidentale généralement qui est plus directe. Plus horrifique, enfin plus horrifique, non, que ce que je dis comme bêtise, plus... spectaculaire. Voilà, merci, spectaculaire, je pense à Dead Space, à Dead Island. Ouais, mais Dead Space, c'est il suit Resident Evil, hein. Oui, mais je vais venir. Et une horreur où il y a plus de suggestions, j'ai l'impression, dans l'horreur, qui est plutôt japonaise. Plus que les japonais sont pas mal dans la contemplation et dans les non-dits, même au niveau de artistique. Resident Evil, c'est japonais, hein. Bah oui, t'as raison. Non, mais j'ai l'impression, parce qu'en fait, quand je dis ça, je pense par exemple à Silent Hill, Forbidden Siren. Alors, Forbidden Siren qui est... Project Zero aussi. Qui a été créé par le créateur de Silent Hill. Mm. Et alors là, si vous voulez vous sentir impuissant, il n'y a rien de plus terrible que Forbidden Siren. Juste une situation, ce qu'on... à chaque fois, on a... Chaque niveau, on l'incarne avec des personnages différents. Et il y a notamment... Et le trick du jeu, c'est que on peut voir à travers... les yeux des ennemis, qui sont des sortes de... Je crois qu'ils s'appellent les Shibito, un truc comme ça. C'est pas vraiment des zombies. On peut les mettre inconscients, parce qu'en fait, ils se relèvent au bout d'un moment. C'est un des ressorts, d'ailleurs, d'horreur. Et il y a notamment une situation où on joue un personnage qui est aveugle. Et en fait, pour se déplacer, il faut regarder à travers les yeux de son chien. Et on n'a aucune arme, on n'a rien. Et les Shibito se baladent dans le petit village, donc il faut déplacer le chien... l'orienter vers notre personnage pour se voir à travers ses yeux se déplacer, enfin c'est un bordel, mais on est très oppressé. Très très bonne, il y a deux jeux sur PS2, et il y a un remake du premier version Teen Movies sur PS3. Et il y a aussi un film qui, à ce qui paraît, pas terrible. Ah, je savais pas ça. Et si, comme toutes les adaptations, la plupart des adaptations, il est pas terrible, terrible. Tiffany, tu voulais dire quelque chose ? Non, pas du tout. Victor ? Et juste, Project Zero, ce que j'ai pas eu le temps de finir, on affronte les fantômes en les prenant en photo. Donc si vous aimez l'histoire de fantômes, c'est génial, Project Zero. Bon, on avait fait le tour, je crois ? Non, Victor ? Ouais, après on aurait pu parler, enfin, un nouveau, mais des jeux qui sont sortis en mode un peu zombie outbreak. C'est-à-dire quand les zombies commencent à sortir et tout dans la vie, je pensais à... j'avais connu ce jeu grâce à Joueur du Grenier, Project Zomboid, où... Ouais, j'avais joué en Early Access à l'époque où tu crées ton petit truc de survie zombie, ta petite maison, machin. Il est vachement détaillé, il était sympa. Ce jeu, après, j'ai pas rejoué depuis des années. Donc... Mais qui reprend un peu la mode... C'est un peu un espèce de Walking Dead en jeu vidéo. Ouais, comme t'as dit, c'est en 2D. Enfin, c'est quasiment 2D, c'est 3D. Un truc comme ça. On voit notre personnage de loin Et il y a des zombies un peu partout, on doit survivre, pareil, gestion de ressources, ce genre de trucs. Et voilà, c'est... pour j'avais envie d'en parler. Oui, ben, pour essayer de faire un peu un paysage, tu vois, des différents... Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, après, on s'est donné le pari plutôt de survoler, on aurait pu parler de Left 4 Dead aussi, qui joue sur la masse de zombies, le gore. Il y a juste un jeu qui s'appelle Echo, je ne me rappelle plus le sous-titre, sur PS2. Qui se passe dans une station spatiale. On joue un personnage dans un scaphandre. Et de ce que je me rappelle, on est face à des esprits. Mais si on est trop souvent au contact d'esprits, on meurt ou un truc comme ça. Et c'est un jeu qui est méconnu, mais qui génère des bons souvenirs. Bon, bah, on a peut-être fait le tour là, du Survival Horror. Peut-être sûrement on y reviendra pour parler peut-être d'une saga en particulier ou... Ou d'un petit point précis du Survival Horror, ou alors au fur et à mesure des émissions. Sur ce, bien, merci à vous de nous avoir écoutés. J'oublie souvent de le dire, mais en plus en fin d'émission, de la manette au débat, c'est aussi sur PodCloud. Vous pouvez télécharger l'émission et l'écouter sur votre smartphone, sur votre lecteur MP3, et pourquoi pas sur votre baladeur, pour ceux qui ont encore le baladeur MP3. Ce qui paraît, c'est l'avenir, cette technologie. N'oubliez pas aussi, hein, 3615 DLMAD, c'est important. Voilà, n'oubliez pas le 3615 DLMAD aussi. Bref, sur ce, merci à vous de nous... En fait, je suis en train de perdre le fil, là. Bref, sur ce, merci. Pourtant, c'est le fil de la fin. On a juste à dire au revoir, à la prochaine, abonnez-vous, et voilà, c'est à peu près tout. Cliquez sur la petite cloche. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, merci à vous, ou même le début. Sur ce, à bientôt, à la prochaine. Et surtout, restez critiques envers le pixel. Ciao. Bye bye.